Retro Nouveau. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Rétro Nouveau. On aimerait pour commencer remercier Denis Talbot, mon cher Denis, qui a parlé, la gang de Radio Talbot qui a parlé de nous dans leur podcast. On est super contents, puis nous autres aussi, on aime ce que vous faites, donc c'est merveilleux. Ouais, merci beaucoup, Denis. Et puis, c'est ça, on n'ira pas très loin dans le bavardage d'introduction, puisqu'aujourd'hui, on vous offre un épisode spécial. Mais juste avant, un petit truc comme ça que j'ai appris dernièrement, ça n'a aucunement rapport avec tout ce qu'on va parler aujourd'hui, je voulais juste vous le dire, si votre manette d'Atari est brisée, prenez votre manette de Genesis, on peut brancher une manette de Genesis dans un Atari 2600 et 7800. Tous les Atari, je pense, même 5200, et ça fonctionne. Wow! Voilà. Alors, c'est aujourd'hui, c'est quand même très intéressant parce que le joystick d'Atari, des fois, il vient slack ou il est brisé, tu sais, puis acheter les manettes d'Atari originales, c'est cher ou c'est tough. Donc, s'il faut que tu joues vite, là, manette de Genesis, en plus, avec le D-pad, ça va très, très bien. Ah, oh, ouais, wow! Ouais. Ben, tenez-vous là pour dire, Retro Gamers. Et puis, c'est ça. Fait qu'on procède avec cet épisode spécial consacré entièrement à la série Castlevania qui part de 1986 jusqu'à aujourd'hui. Puis, on va commencer ça en parlant de l'original de 1986, Castlevania sur le Nintendo. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ça, Dominique? Ben, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille, ce jeu-là. J'avais joué, quand j'étais en vacances, encore une fois, dans le Maine, j'ai vu un gars jouer à Castlevania à l'arcade. Oh, okay. Ça a l'air intéressant. J'ai joué au Nintendo, un petit peu, mais ça m'a juste mis la puce à l'oreille. Mais j'avais trouvé ça vraiment bon, mais tu sais, j'étais jeune, puis il est très difficile, donc je m'étais pas rendu loin, mais assez... pour me donner le goût de m'intéresser vraiment à cette série-là. Exact. Moi, c'était dans le temps parce que c'est un jeu de Konami. Ouais. Puis moi, toutes les fois que je voyais la petite cassette silver de Konami, j'étais sûr que c'était un bon jeu. Donc, j'achetais tout le temps leur jeu ou je louais tout le temps leur jeu. Donc, Castlevania, quand c'est sorti, je l'ai eu tout de suite. J'ai trouvé que ça avait l'air tellement bon. Puis c'était d'ailleurs... Mon partner de Boulevard Brutal, Sébastien Hood, qui m'a fait connaître Castlevania, lui, il en avait une copie. Puis moi, dès que j'ai vu ça, j'ai trippé. Sauf que j'ai trouvé tellement difficile. Ah, oui. Je pense pas qu'on va passer le troisième niveau Non. Dans le temps même. Puis tu sais, si on pense aux expériences qu'on avait dans ce temps-là, tu sais, on avait joué à Super Mario Bros. Puis c'était quasiment ça, tu sais. Ben, c'était tombé un jeu difficile de suite. Oui, oui. Ben, c'était bien différent de tout ce que j'avais joué. C'est quand même un platformer, là. Oui. Mais les monstres, tu sais, là-dedans, qui vont revenir à travers toute la série jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, tu sais, les espèces de têtes de méduses volantes. Oui. Et avant de réussir à catcher le pattern, tu sais, je sais pas, il y en arrivait plein de tous les côtés. Les petits bonhommes qui sont comme des petits singes. Les petits nains, là. Les singes là, qui rebondissent partout. Hey, c'était de l'ouvrage, là. Ah, mais impressionnant, là. Ah, ouais, il était tough, eux autres. Puis c'était un jeu dans lequel on avançait quand même assez lentement par rapport aux autres jeux. T'sais, d'habitude, on a tout le temps. On a tout le temps l'option de courir dans à peu près tous les jeux auxquels on joue. Puis dans celui-là, tu marchais, c'était long. Tu donnais des coups de fouet, c'était long aussi. Donc, fallait jouer avec ce rythme-là aussi. Fait que c'est l'original, mais il est encore tellement bon. Puis cette chanson thème-là est tellement une des meilleures chansons du gaming. Là. Mm. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Complètement oublié. Non, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Il y a juste 5 stages là-dedans, par exemple. Oui. Puis, mais c'est quand tu te rends à Dracula, à la fin, si tu meurs, tu recommences là. Ben, il me semble que tu recommences là. Directement à Dracula. Parce qu'il me semble qu'il y a pas de continue. Il y a des continues illimités là-dedans. Il y avait des continues. Oui, parce que Dracula, c'est long. C'est long, souvent, avant de catcher le pattern. Là. Mais non, c'était... toute une aventure. J'ai passé ça, moi, dernièrement. Caroline, moi, confession, j'ai jamais passé. Ah ouais? C'est pas facile. Pas facile. Vraiment. Les Castlevania sont difficiles. Mais on va d'ailleurs enchaîner avec la suite qui est sortie en 87. C'est Castlevania 2, Simon's Quest. Puis moi, je voudrais commencer en disant que celui-là, c'est mon mouton noir. Je le déteste à cause de la portion RPG. J'aime pas les RPG. Puis j'haïs ça parler au monde des jeux la plupart du temps. Là, j'ai bien de la misère avec ça. Surtout dans Castlevania, là, je veux fouetter. T'sais, t'es habitué avec le premier, là, t'arrives avec le deuxième, là, tu parles à du monde, là, tu fais comme déjà, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Puis déjà, sur la pochette, c'était écrit Simon's Quest puis Castlevania 2 en tout petit. Oui. Comme s'il avait voulu masquer ça. T'sais, Ben, c'est la première fois qu'il commençait à donner des titres aux jeux de au jeu de Castlevania, finalement. Oui, oui. Il y a maintenant les titres, là, ça va loin. Ah oui, c'est long. C'est dans quelque chose of quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. Mais non, parce que quand tu regardes la cassette, tu vois Simon's Quest au départ, tu pourrais quasiment te mélanger. Oui. C'est un Castlevania, ça. Mais moi, j'ai loué ça dans le temps aussi. Puis là, ayant déjà joué au premier, le 2, là, je voulais vraiment l'essayer. Oh, oui. J'étais content de voir ça puis donner une go à ça. Mais moi j'aime les RPG puis j'haïssais pas ça de chercher un petit peu les choses. Mais le non-sens comme des puzzles là-dedans. Oui. Mettons, faut que tu aies ton cristal rouge. Là, faut que tu ailles te mettre à genoux devant une falaise. Là, il y a une tornade qui t'amène au château 7. Comment tu veux que je sache, moi, qu'il faut me mettre à genoux avec le cœur de Dracula sur le bord d'un lac, tu sais, pour que le lac descende. Aïe, aïe. Dans le village, ils le disaient pas tout, puis de toute façon, j'étais petit, tu sais, comme toi. Pis, ouais, c'est ça, tu comprenais pas nécessairement. Tant que ça non plus, ça fait que, hey boy. Mais c'est venu plus tard avec Internet ou des walkthroughs, là, vraiment, que là, j'ai pu savoir quoi faire parce que c'est impossible. C'était des drôles de puzzles étranges, là. Une place dans un cimetière, whoop, faut que tu lâches une gousse d'ail précisément là. Tu sais, dans tout le vaste cimetière qui fait 4 écrans, tu sais. Non, c'était un peu n'importe quoi là, là-dedans, les quêtes. Là. C'est ça qui a tué un peu le jeu. Oui, totalement. Mais malgré tout, là-dedans, il y a un excellent soundtrack. Là, oui, c'est vrai. Ça, puis le graphisme était très beau. Puis il y a aussi quelque chose que tout le monde a détesté, la nuit puis le jour qui arrive toujours. La petite pancarte qui apparaît. Here comes the night. Ouais, this is a horrible night. Ouais, c'est ça. C'est un classique pareil. D'ailleurs, ça. Là-dessus, là, puis on le mettra sur le site, les gars de Mega 64 ont fait une super bonne, ils ont fait une super bonne parodie de ça. Ouais. Et justement, sont avec le monde puis ça, puis ils se promènent, puis là, un moment donné, ils arrêtent, ils figent, puis ça, décide de naître, puis là, ils commencent à bouger, tout croche. C'était carré, hein, on va vous montrer ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop tôt dans la série pour introduire autant de nouveaux matériels. Ouais. Je dis, tu sais, on va le comprendre avec la suite des choses. Je pense qu'ils ont vite compris que les gens voulaient plus d'action, peut-être moins de parlotte, moins de gossage. Il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je connais personne encore, peut-être qui était le premier, qui ont terminé Simon's Quest. Ouais, je l'ai terminé, mais c'est pas dur, c'est juste compliqué de savoir où aller. Dracula, à la fin, c'est une vraie farce. Là. Tu le tues en deux secondes, tu lances des diamants, tu fouettes, tu te mets dans le coin, là, puis c'est n'importe quoi. Mais il faut que tu passes, t'as pas la vraie fin, c'est comme gris, le screenshot à la fin, il faut que tu passes le jeu trois fois, puis là, ton personnage est là, puis il y a de la couleur, puis tout ça. Là. Ah, ils veulent vraiment fait que je déteste ce jeu-là. Ils veulent pas que tu joues, non. Non, moi... Ben, justement, pour te faire... Excusez, la cassette a tombé. Vous voyez pas sur la table, mais là, j'ai réuni toutes les Castlevania. Ben oui, t'as toutes les Castlevania. J'en ai un beau petit paquet. C'est vraiment cool. Ben de l'argent sur la table ici. Donc, Castlevania 3, pour moi, ça, c'est un des plus grands jeux de NES qui existe. Totalement. Sinon, le meilleur. Ça a été le premier bon jeu de Nintendo que j'ai possédé. Ouais. C'est pas dans les premiers jeux que j'ai eu, mais le premier qui était aussi bon. Parce qu'ils sont revenus à la formule originale, mais ils l'ont tellement boosté. Mais, hein. Le Quest, la map est gigantesque. Puis ils ont introduit deux éléments nouveaux là-dedans vraiment bons. Premièrement, tu choisis ton chemin. Oui. Après chaque tableau, ils te donnent deux choix en haut, en bas. Ben, ça, c'était carré. Après presque chaque tableau. Là. Oui. Puis, écoute, ça rajoute là, du gameplay. Là, ça fait que tu veux rejouer puis essayer l'autre chemin pour voir. Puis, comme ce n'était pas assez, on te donne le choix de trois autres personnages que tu délivres, là, finalement, qui sont possédés un peu partout dans le jeu. Puis, chacun d'eux est tellement différent. Ça rajoute, là, tu sais, mettons, au début, on en trouve un qui s'appelle Grant Dynasty, le petit pirate. Le petit voleur, je l'adore, moi, c'est mon préféré. Ben oui. Puis là, tu l'as tout de suite au début, lui. Oui. Puis, si tu passes par un chemin, il va te donner des shortcuts, il va te permettre de passer des places bien dures. Puis tu, après ça, tu veux le réessayer l'autre chemin pour voir ce que tu manquerais. Tu peux redécouvrir le jeu super souvent. Ouais. Parce que la première fois que tu passes, tu vois qu'il y a un chandelier à l'autre bout, là, tu n'es pas capable d'y aller. Ben, tu sais qu'il faut que tu repasses le jeu avec, puis tu reviennes avec l'autre personnage. En tout cas, ça... Mais il y a une grande influence qu'il y a eu sur beaucoup de jeux, mais sur Castlevania, plus précisément, de loin, Metroid, tu sais. Ouais. Je trouve vraiment, j'ai vraiment l'impression que les créateurs s'en ont inspiré un peu, parce que même là, les espèces de passages secrets, le fait d'être tout petit, puis de pouvoir s'en aller dans des passages comme ça, puis moi, quand j'ai joué à Dracula's Curse, ma première réaction, ça a été... Aïe, aïe, c'est vraiment ça que le Nintendo peut offrir. Je me disais que je jouais un jeu next-gen. Ah, complètement. Genre, il peut rien avoir de plus beau que ça. C'est un des jeux de Nintendo au plus... C'est dans la plus forte... C'est fort, le graphisme, la musique, la longueur du jeu, tu sais. Chaque bit est utilisé, là, de la puissance du Nintendo pour faire ce jeu-là. Puis moi, j'y jouais quand j'étais petit, puis là, j'avais téléchargé sur la Virtual Console. Parce que je suis jamais arrivé à le trouver comme toi tu l'as trouvé. Ouais, je l'ai acheté quand j'étais petit, distribution consommateur. Mais aujourd'hui, j'ai pas regardé. Faudrait que je regarde comment ça coûte. Il coûte cher quand même. Moi, j'ai eu bien de la misère à le trouver. Mais en même temps, là, on a parlé de Dracula's Curse, mais il y a eu en 1988 une machine d'arcade nommée Haunted Castle. Puis c'est sorti aussi plus tard en 2006 au Japon sur la PS2. Puis j'ai jamais joué à ça, à vrai dire. C'est vraiment, on dirait, c'est un Castlevania classique. Mais on dirait, dans le fond, Conan le barbare qui se promène dans Castlevania 4. Puis t'es pas un Belmont là-dedans. À venir jusqu'à date, t'es toujours un Belmont. Dans les deux premiers, t'es Simon. Dans le troisième, t'es Trevor. Je les nomme parce qu'on va y revenir au plus tard dans la série. Mais dans lui, là, sur l'arcade, t'es rien, tu sais. T'es juste un barbare doux. Le qui se marie au début, qui se fait voler sa chick par un vampire. Mais de ce que j'ai lu de ça, c'est que à la différence des autres titres de Konami, comme Gradius, qui partent de l'arcade pour devenir des versions maison. Castlevania a starté fort à maison, puis après ça, plus tard, Konami a fait une arcade. Ils ont fait le chemin inverse, mais c'est raté, là. C'est vraiment raté. Pas beau, là. Puis en plus, c'est ça, tu sais, tu vois tout le graphisme, puis tout ça. Et ça commence avec un beau petit mariage cheap. Puis il y a un bel orage par-dessus ce mariage et tout va mal. Dracula va aller voler la Dulcinée, la kidnapper. Puis après ça, on va se retrouver avec notre espèce de bonhomme qui marche comme s'il avait envie. Là. Robotique, ah ouais. Il est robotique, il est tout croche. Ça a vraiment l'air cheap, là. La musique, par contre... La musique est pas pire, hein? C'est cool. Ah ouais, ça c'est bien. Mais ça c'est resté une constante durant... Tous les jeux de Castlevania, vraiment. Toutes les bands qui font des covers, puis le monde qui font de la musique, tu sais, il y en a des bands qui font des covers de jeux, puis plein de monde font des covers de Castlevania. C'est normal, puis c'est tellement merveilleux. Mais ça, en tout cas, j'aimerais ça essayer ça. On dirait vraiment que ça fonctionne super mal, fait que je suis sûr qu'il est pas bien bon. Ouais. Mais j'aimerais ça essayer ça. Ça serait une importation du Japon. Peut-être que ça va sortir. Il y a PlayStation Network en sort parfois des importations japonaises. Fait qu'on sait jamais, peut-être qu'on va le retrouver quand ils vont enfin se décider à mettre des jeux de PlayStation 2 sur leur network. Ouais. Après ça, en 1989, il y a eu Castlevania The Adventures sur Game Boy. Puis toi, je pense que ta mémoire est beaucoup plus fraîche que moi là-dessus parce que ça a été un des premiers jeux de Game Boy que j'ai eu. Dans les premiers, justement, qui n'utilisaient pas toute la puissance du Game Boy encore. Ouais. Parce qu'il manque un petit peu de décoration dans le background, là, je dirais. Ouais, mais là-dedans, on est encore un bel monde, on est Christopher. Puis ça, celui-là et ce jeu-là est considéré comme un des plus durs. Pas rien que des Castlevania. Moi, je me souviens que j'ai trouvé tough. Des jeux en général, là, c'est une affaire pas possible. Mais je suis fier de dire que je l'ai passé. Je travaillais pas. Puis écoute, moi, je jouais à ça sur mon Game Boy Advance. Puis il était branché dans la prise de courant. Puis je le laissais sur pause. Il n'était pas question que je repasse tous les niveaux, tu sais... Parce que c'est long passer au travers de ça. Tu recommences. Mais j'ai réussi. Puis le jeu n'en vaut pas tant la chandelle. Non, c'est ça. Puis je trouvais que... C'est très lent. Ton personnage est lent. Hey, quand tu sautes, il ratterrit super vite. Oui. Puis souvent, t'as des tricky jumps. Là. Ça, c'est du plate. Hein, ouais, ça, c'est vraiment plate. Il joue avec le fait qu'il faut que ton bonhomme il ait le talon sur le dernier pixel, ouais, là, la falaise, tu sais, sinon ils tombent en bas. Ah, ça, c'est ça, c'est comme ils sont, dans le fond, ils sont forcés pour avoir un contrôle qui est quand même assez mauvais, parce que ton personnage se promène lentement. Ouais. La difficulté est faite en conséquence de ça, parce que si ton personnage marchait normalement, sautait normalement, t'aurais jamais besoin de jeu, ça. Là, ben oui, c'est ça. Puis écoute, la musique, encore une fois, ouais, ouais, super là, bon là. Mais ça a été un thème qui a été repris et repris par la suite. On sent justement tout le temps la même influence d'un tune de Castlevania. Ouais. Moi, je trouve ça écœurant. Là. C'est pas incroyable. Construit comme des jingles, c'est construit comme des chansons véritables avec des bridges, oui, des refrains totalement musicaux. Là, t'sais. Mais tout le temps la même ambiance. Je trouve ça vraiment écoute, je trouve ça génial. Là. Après ça, en 1991, il y a eu Castlevania 2 Belmont's Revenge. Ouais. Ça, c'est un autre que j'ai trouvé extrêmement difficile, tellement que je l'ai échangé contre Ninja Turtle, le jeu La Porte de Foot Clan. Ah, wesh, qu'est-ce que t'as fait là? Ben, c'est parce que je trouve c'est... j'avais vraiment de la misère, puis là, je me suis dit, ah, je vais me pogner un autre jeu, tu sais. Ah, ce jeu-là, moi, c'est mon deuxième meilleur. Ben, il y en a tellement, je peux pas dire ça, mais. Il faudrait juste jouer. C'est une vraie réussite. Puis ce qu'il y a de fun dans celui-là, c'est que tu choisis ton château au début. Oui, ça, c'est vrai. Il y en a quatre. Roche, cristal dans les nuages, ouais, château de plantes. Puis la musique de ça est vraiment trop géniale, encore une fois. Là. C'est dans le meilleur que le Game Boy peut offrir, parce que c'est très long, c'est très beau, la musique est bonne. C'est un jeu très complet pour le Game Boy. Et en plus, je vois ici qu'il y avait un système de password système en plus. Password. T'étais pas obligé de garder ton Game Boy ouvert comme non, le dernier. Non. Puis, mais les passwords sont un peu cons, par exemple, parce que c'est juste quatre éléments, tu sais. Puis en essayant des boy, trucs au hasard, tu finis par en réussir, c'est ça. Ouais, mais c'est mieux que les mots. Les mots juste de password à 16 chiffres roulettes, là. Écoutez ça. C'est cœur, hein. Hey, tu veux pas savoir, j'ai eu ça à Noël, moi, puis j'ai wow, joué, là, mais en malade. Mais ça, pour genre jouer, là. Je trouvais pas si dur que ça, par exemple. Ben moi, j'étais petit, là, quand c'est sorti. Quand même, c'est sorti en 91, ça fait quand même un bout de temps, là. Mais ça, là-dedans, t'es soleilleux, Belmont. Ouais. À un moment donné, t'as une epic battle contre ton fils, là. Oh. Puis il est comme possédé. Ça, c'est une des batailles les plus dures, là, que j'ai eues, là, dans les Castlevania. Très difficile. Mais après ça, on arrive à Dracula, puis Dracula, c'est vraiment une histoire de pattern, là. OK. À mémoriser, ça, c'était pas si compliqué. Là. Mais tu trouvais-tu qu'il marchait pas aussi lentement, justement, que dans le premier? C'était il long, là. Il allait beaucoup plus vite, puis c'était... le personnage était beaucoup plus fluide, puis il y avait aussi... Ils ont introduit... il y avait ça dans le premier aussi, sur le Game Boy, grimper sur des cordes, ouais, au lieu de monter des échelles. C'est vrai. Des escaliers, excuse. C'était un nouveau système, ça. Puis là-dedans, ils ont caché des choses. Ça avait des passages secrets. Les cordes passaient à travers les murs, des fois. Okay. Donc ça, c'était bien, bien agréable, cool, là, de fouiller pour ça, là. Mais wow, non, c'est très complet. Très, ah ben ça, complet. C'est un jeu à se reprocurer. D'ailleurs, les jeux de Game Boy, on a vu, ça commence à sortir sur 3DS. Puis on voit que Nintendo... on sort quand même des assez bons, des jeux de Game Boy, donc j'imagine qu'ils vont ressortir ça. Après ça, la suite, et non la moindre dans mon cas, parce que j'ai adoré, c'était Super Castlevania 4. Ouais. Ça, tu vas en ordre d'année, toi, là. Ouais, j'y vais en ordre d'année. Excuse, c'est pour ça. c'est ça, c'était sorti sur le Super Nintendo, puis moi, enfin, une des choses que j'avais hâte, ça serait que le personnage soit plus grand, qu'il y ait plus de détails, qu'on puisse en connaître un peu plus sur cet environnement-là. Puis j'aimais ça aussi pouvoir me balancer avec le fouet. Oui, ça, c'était le fouet, dans toutes les directions. C'était carrément. Tu pouvais sauter, ça, fouetter par en bas, puis tu pouvais aussi sauter dans les escaliers, oui, et comme que ton bonhomme passe pas au travers. Pour t'accrocher sur les escaliers aussi, là. Garder ton doigt sur le bouton pour jouer avec ton fouet, c'est comme vrai, si c'était lousse, là. Ça, c'était. C'était vraiment cool. Pourquoi attendre si longtemps? Oui, c'est ça. Ça a été facile, là. Déjà que dans Castlevania 3, j'étais super impressionné par les structures qui bougeaient justement, ouais, en mouvement, les espèces de grosses cloches ou je sais pas trop, les espèces de gros pads sur lesquels tu pouvais marcher. Mais ouais, les pendules. C'est ça. Mais celui-là, ils sont allés là-dedans à fond. Là, quand ils ont poussé, tu balances avec ton fouet, là, tout le tableau, il tourne au complet autour de toi. Exact. Il y en a un qui est comme dans un vortex. Oui, c'est vrai. Autour de... Là, ça grugeait toute la mémoire. Ah, là, ouais. Mais il y avait c'était quoi donc le nom de cette technologie-là? Parce qu'elle n'arrêtait pas de se donner un nom. C'était la même technologie qui servait pour Star Fox ou pour Actraiser. Ouais, des jeux comme ça. Le devenait gros. Ouais, comme, ouais, c'était comme Super 4 ou Joe je sais pas trop. Joe et Mac aussi, il y avait ça, me semble. Puis je me souviens plus du nom, mais il arrêtait pas de la lancer à tort et à travers. Moi, bizarrement, la musique, je l'aimais moins dans celui-là. Ah ouais? Parce que j'ai trouvé que ça faisait plus musique fantastique que musique d'horreur. Ouais. Dans les autres, il y a tout le temps un côté un peu horrifique, quête. Celui-là, c'est quasiment plus joyeux puis plus, plus Lord of the Rings que Dracula, tu sais. Qui est pas mauvais pour autant. C'est vraiment... C'est une bonne trame sonore, mais... moi, c'est peut-être dans mes côtés faibles du jeu, malgré le fait que ce jeu-là, moi, j'ai joué et rejoué. Je l'ai racheté, puis j'ai encore énormément de fun avec. Je veux que toi aussi, tu l'as, avec une pochette épique, une illustration écœurante. C'était le retour de Simon aussi, dans ce temps-là. Puis, ils ont ramené plusieurs chansons aussi, plusieurs musiques de Castlevania 3. Ils ont refait, c'est ça? 2 aussi, ils ont refait. Okay. La musique du jour dans Castlevania 2, c'est là-dedans, il l'a vers la fin. C'est pour ça, d'abord, que je m'en suis pas rendu compte. T'es pas rendu jusque-là. Moi, j'avais lâché ça. Moi, quand c'est parti, la musique, j'ai dit, wow! Mais il est quand même plus difficile vers la fin, mais dans l'overall, je le trouve pas si difficile que ça. Et moi, je trouve qu'il est plus accessible qu'à Castlevania 4. Puis il se fait bien. Puis j'ai lu, d'ailleurs, étrangement, que ce jeu-là n'a pas été un hit au niveau des ventes. Non, mais non. Écoute, au niveau de sa popularité, mais c'est, des amateurs, ça a été... C'est peut-être aussi classique. Que Dracula's Curse est sorti un an plus tôt. Fait que, d'après moi, parce que ça, c'était à la sortie de la Super NES. Là. Ça faisait pas très longtemps qu'elle était en vente. Fait que peut-être les gens ont plus embarqué sur Super Mario World qui venait avec la console. Oui. Ben, puis qui n'ont pas trop acheté par la suite. Fait que c'est peut-être ça qui a fait ça un échec commercial. Après ça, moi, je veux parler 1993, Kid Dracula. Oui. As-tu essayé ça, toi? Non, je ne l'ai pas essayé. J'aimerais bien me le procurer, par exemple. C'est sorti au Japon, ça, au départ. Oui. Puis, c'est pas un Castlevania, mais c'est un jeu de Konami construit avec plein de références de Castlevania. La musique, c'est ça. Dracula, il joue sur des items. Les monstres. On peut voir juste avec la musique, là, c'est d'autres choses. Là. C'est différent. C'est différent, mais il y a tellement de petits trucs qui ont ramené des petites choses que ça valait la peine d'en parler. Puis la plupart des fans de Castlevania considèrent Kid Dracula comme faisant un petit peu partie de la famille. Là. Mais c'est comme si c'était un Castlevania pour enfants, finalement. Ouais, là. Ouais. Moi, ça me fait penser bien gros à Super Mario Land 3 Wario Land sur Game Boy. J'ai jamais joué à ça. Non? Je sais. C'est malade, c'est vraiment bon. Mais ça me fait penser à ça. C'est un peu le même look que ton personnage fait à peu près là, un cinquième de l'écran. Il est assez gros quand même. Mais t'as besoin quand même d'assez de technique pour terminer ces petits tableaux platformer-là. Mm. Mais il a l'air pas mal sympathique, Kid Dracula. Ouais. Moi, si je trouve ça, je mets la main là-dessus, c'est certain. Ça fait très japonais, disons. Oui, oui, carrément, ça paraît. Là. Vraiment. Là. Après ça, en 93, on est arrivé avec, non le moindre, Castlevania Rondo of Blood, qui est sorti sur PC Engine et TurboGrafx-16. Puis vraiment, moi, celui-là, Je suis pas j'ai sûr, connu par sur exemple, tard. TurboGrafx-16, ben, il l'était-tu? Ben, c'était PC Engine, fait que veux pas, c'est sûr, c'est le même engin, mais peut-être qu'il n'est pas sorti sur Turbo. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait, par exemple, si tu prenais le jeu Rondo of Blood japonais pour le mettre. Parce que ça, c'était au Japon, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis TurboGrafx-16, c'est la version nord-américaine. Mais ils n'ont pas tout traduit les jeux, je crois. Mais écoutez, cassez-vous pas la tête, allez sur le Virtual Console demain, puis tout de suite même, puis downloader Rondo of Blood, c'est disponible là-dessus. C'est ça. Puis, écoute, c'est bon, c'est nouveau. C'est un nouveau Belmont qui arrive, c'est Richter. Puis ça va mettre la table là, pour Symphony of the Night. Mais là-dedans, c'est encore une fois très linéaire, mais t'as des fins alternatives. Oui. T'as des passages secrets dans chaque tableau qui fait que tu peux prendre un chemin ou l'autre. Puis t'as des petits trucs là, qui te font débarrer, tuer des affaires, qui fait ouvrir d'autres niveaux. Ça fait que tu peux rejouer une couple de fois, puis ça t'apporte, là, ça te montre plein... Écoute, il y a plein d'affaires à découvrir, là, finalement. Non, c'est ça. Caché. Moi, j'ai trouvé que c'était... Parce que j'ai joué à cet original-là, mais l'affaire que je trouvais cool, c'est l'espèce de prologue que t'es en cheval, Puis tu commences, c'est vraiment épique là, par rapport à Castlevania 4, qui avait quand même une belle introduction, mais là, on se retrouve complètement dans d'autres choses. On a l'impression de jouer à un film. Ouais. Puis après ça, tu arrives dans le premier tableau, puis c'est l'espèce de ville en feu. Puis tu te promènes, puis tu sortes. Il est écœurant, là, c'est vraiment beau. Puis la musique de Rondo of Blood aussi est vraiment excellente. Ouais, d'ailleurs, la première tune du premier tableau, là, on va la retrouver là, sur plusieurs autres Castlevania. Ben, c'est ça, c'est qu'ensuite, en 95, il y a eu Castlevania Dracula X, qui est dans le fond la version nord-américaine de Rondo of Blood. Ouais. C'était sorti sur Super Nintendo. Ouais, Super Nintendo. Mais version très modifiée, par exemple. C'est t'es Rector, t'as les mêmes pouvoirs à peu près, mais tu te contrôles pas pareil. Ah oui? Le personnage est différent. J'ai pas essayé, moi, celle-là. J'ai aucune idée. Moi, je l'ai ici, là, direct devant moi, un peu magané. Ouais. Ça vaut de quoi, ça, quand même. Puis, c'est très, très difficile, celui-là. Rondo of Blood, t'es pas très dur, mais Dracula X est vraiment plus difficile. Il y a plus de tableaux, il y a plus de tout. Écoutez la musique, là. Vous allez reconnaître. On reconnaît le thème. Là, c'est vraiment... Vraiment beau. Mais c'est ça, c'est difficile. Tu ramasses une clé, tu peux débarrer. T'as une fille à sauver là-dedans. Okay. Ben, dans Rondo of Blood aussi, d'ailleurs. Ça, c'est nouveau aussi, de délivrer quelqu'un. Puis, écoute, c'est un bon jeu, vraiment. Mais... Ben, nouveau, on a vu tantôt dans Machine d'arcade que ta Disney se fait kidnapper par Dracula. C'est vrai. Mais là, tu la libères pas à la fin. Ça. Oh non? Non, tu la libères pendant que tu joues. Tu peux la rater complètement, puis elle va rester dans le château. Mais faut que tu ramasses. C'est triste de même. Faut que tu ramasses une clé, puis elle devient ton sub-weapon. Okay. Faut pas que tu ramasses d'autres sub-weapons parce que tu perds la clé. Ah, oh, ouais. Fait que ça, c'est bien touché. Faut que tu gardes la clé tout le long jusqu'à ce que tu arrives à son cachot, finalement. Caroline. Fait que non, très difficile. Puis vraiment différent de Rondo of Blood. Quand même pas mal. Mais ils ont ramené, écoute, les musiques, le premier tableau est semblable. Le graphisme est plus beau, par exemple. Oui, c'est pas mal plus beau. Puis je trouvais que le personnage, les mouvements du personnage avaient l'air beaucoup plus fluides. Ouais. Il y a de l'air. Mais il l'est pas. C'est beau, la façon qu'il marche, mais c'est plus strict que dans Rondo of Blood, vraiment. Okay. Rondo of Blood, c'est plus à la Castlevania 4. Là, ouais. Là, t'es plus maître de tes mouvements. Là. Okay. Même quand tu sautes, tu peux reculer dans les airs, ce genre d'affaires-là. Là. Ah, fait que je savais pas qu'il y avait des grosses différences entre les deux. Moi, j'étais sûr que c'était juste un pas direct. Non, c'est quasiment un autre jeu, là, mais avec la même trame de fond. Là. Wow! Ouais. OK, ben ensuite de ça, en 1997, c'était le grand classique, finalement, probablement le Castlevania le plus aimé de tous, c'est-à-dire Symphony of the Night. Absolument. Symphony of the Night, moi c'est ça, j'ai trouvé que le niveau de difficulté était parfait, c'était pas trop dur, pas trop facile, ça se faisait super bien, musique, graphisme et contrôle. Puis j'ai particulièrement aimé les boss. Je trouvais que c'était gigantesque là-dedans. C'était la première fois qu'on voyait ça. Mais là-dedans, la différence aussi, c'est que t'es Alucard. Oui. Tu commences en tant que Rector, parce que c'est la suite de Rondo of Blood, n'oubliez pas. Puis Alucard, là-dedans, qu'on a vu dans Castlevania 3, Dracula's Curse, qui est le fils de Dracula. Oui. Il était là-dedans, lui. On peut l'avoir comme personnage secondaire. Mais là-dedans, on est le personnage principal. Et puis, si vous vous demandez, ça vient de où, ça? Alucard, c'est Dracula. C'est pas de même. C'est ça. Mais là-dedans, tu ramassais tellement d'épées. Les ennemis dropent des choses. Tu ramasses des ânes. Écoute, là, ça finit plus de ramasser des affaires là-dedans. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a un dodo bird à un moment donné que tu le tues, écoute, là, 400 fois. Puis à un moment donné, il va dropper la rune sword. Là, puis un coup de ça, là, t'es un méchant meurtrier, laisse-moi te le dire. Mais il est grand, ce jeu-là. Tu fais le château à l'endroit. Il est énorme. Après ça, tu le passes. Le château tourne à l'envers. Tu te retrouves à marcher dans le plafond. Puis tu refais tout, là, finalement. Mais c'est ça, le design des tableaux était impeccable. Là. Ils ont vraiment passé énormément de temps là-dessus parce que toutes les cartes fonctionnent à merveille. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Puis visuellement, le jeu est vraiment écœurant. Là. Même si ça... Ça a comme ça a ce petit côté quand même rétro. C'était pas un jeu qui était à la hauteur peut-être des autres jeux de PlayStation 1. Ben c'est 2D, c'est un side scroller de 2D. Ouais, c'est dans ce temps-là, il essayait de faire du 3D toujours pour que ça soit beau. Puis là, soudainement, bang, Konami arrive avec ça. Tout le monde a fait le saut. Mais en même temps, ça a été un pari gagné parce que exact. Celui-là a donné le ton de tous les autres personnages qui s'en viennent. Il y avait aussi ça, le grinding, pouvoir glisser sur le plancher. Ah, tout ouais. Ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. Ils ont amené des nouvelles habiletés qu'on n'avait pas vues auparavant. Il y avait encore une fois un système de mise à niveau. Je pense que c'était totalement nouveau. Ben, il y a beaucoup d'éléments de quest là-dedans. Ouais. Tu montes de niveau, tu boostes tes attaques, ta magie en équipant certains items. Moi, j'ai passé des heures à monter de niveau puis à essayer de m'équiper en armure. Ce qui fait que quand je suis arrivé à la fin de tout, j'étais tellement rendu puissant que c'est ça, c'est trop facile. Comme si c'était à Instagram. Mais vous voyez, j'ai eu du fun, moi, à jouer à ça. Puis je pense que c'est 200% quand tu as complété la map au complet, mais tu peux en faire plus parce qu'il y a un glitch que tu sors de la tour, tu sors de l'extérieur du château à un moment donné. J'ai même voulu compléter ça pour tout à voir. J'ai vraiment eu du plaisir à jouer à ça. Encore une fois, musique. Ouais. C'était impeccable, ce jeu-là. Il n'y a pas à dire. Il y a comme un confessionnal que tu rentres dans la pièce, puis là, la musique est... On dirait qu'il y a une apparition devant toi. En fait, tu t'assois dans le confessionnal, il y a quelqu'un qui apparaît, qui va s'asseoir. Hey, c'était quasiment épeurant. C'est quand même hot. Mais aussi, quand tu passes le jeu, tu peux le débloquer avec Richter. Et puis refaire le jeu au complet avec Richter. Puis laisse-moi te dire que c'est très difficile. Parce que Lucard, il est bien équipé, lui-là. Là, il monte partout, puis il y a des armes, de la magie. Richter, il n'y a rien, juste son fouet. C'est pas mal plus dur de le faire avec Richter. J'ai pas réussi, j'ai abandonné. C'est vraiment... Mais écoute, c'est le grand classique des grands classiques. Là, ça vous prend ça. C'est vraiment bon. On n'a pas parlé de Bloodlines au Genesis. C'est vrai, Bloodlines au Genesis. Moi, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué une fois. J'étais chez quelqu'un. Il y avait j'ai jamais joué. Parce que, on n'avait pas de Genesis. C'est vrai. Mais il était très bon. Puis, tout le monde a adoré ce Castlevania-là. T'es pas un Belmont, t'es un Morris. Et puis, on va revoir la lignée des Morris un petit peu plus tard dans les autres Castlevania qu'on va parler. Mais on ne pourra pas en parler. On n'a pas joué plus que ça. Je me rappelle, tu as le choix entre deux personnages. Un Morris qui fouette, puis un autre qui s'appelle Spike. En tout cas, il y a un long bâton, une spear. Okay. Il se bat avec ça. Puis, tu avais des moves spéciaux. Donc, c'était quand même un Castlevania très bon et puis très particulier, égal à lui-même. Tabarnouche. Moi, c'est ça. Je l'oubliais complètement, Bloodlines, c'est vrai. Puis, en 1988, il y a eu Castlevania Legends qui est sorti. Ah, 88? Ouais, 98, je veux dire. Qu'est-ce que je disais, 88? 98, Castlevania Legends. As-tu joué à celui-là, Bruno? C'est au Game Boy, en passant. Ouais, c'est ça. Ben, celui-là, moi, je suis allé voir des vidéos parce que je me disais, voyons donc, j'ai jamais joué. Puis, je comprends pourquoi j'avais jamais joué. C'est parce que j'avais vendu mon Game Boy quand il est sorti. Il est sorti, écoutez, les deux premiers, hey, Castlevania, le tard, là. 89, 91, puis celui-là, 98, 7 ans plus tard. Hey, on s'entend que le Game Boy était mort, là. C'est long, là. Puis, d'après l'histoire de Castlevania dans son ensemble, si t'aimais tout un à côté de l'autre, t'essayes de tracer une ligne, celui-là arriverait deuxième après Lament of Innocence sur la PlayStation 2, qu'on va en parler tantôt, parce que t'es une fille, Belmont. Moi, j'ai acheté ça il y a pas si longtemps. Très, très, très cher, parce que très rare. OK. Puis, écoute, comparé à Castlevania 2, là, c'est une grande déception. Le jeu se joue bien. Pas comme le premier, là, Adventure, ça, c'était dégueulasse. Là-dedans, ça joue bien, c'est correct. Mais les tableaux sont vides. La musique est juste repris, mais pas de belle façon des autres Castlevania. Tu ramasses des armes, des trucs, là, pour finir le... Si tu veux finir le jeu comme il faut que tu ramasses des trucs cachés, mais c'est pas grand-chose, là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce jeu-là, tu sais. Ça a l'air moyen quand même. C'est un saut en arrière, parce que le dernier, Belmont's Revenge, avait l'air très bon. Ben oui. Lui, tu arrives dedans, puis il n'y a rien dans les tableaux. On dirait qu'ils ont donné ça à Happy, à une petite compagnie. Je sais pas c'est qui le développeur, parce que dans ce temps-là, c'était assez difficile de trouver les développeurs sur les cassettes. Ouais. C'était pas vraiment visible, puis je sais pas c'est qui a fait ça, mais bon, c'était pas... C'est un item de collection, en tout cas. C'est si jamais ça. Vous voyez ça quelque part, là, achetez-le immédiatement. Mais ce qu'il y a de fun, c'est qu'à la fin, quand tu passes le jeu, spoiler alert, Sonia Belmont, on voit qu'elle tient un bébé dans ses bras, qui devient le légendaire Simon Belmont. Oh! Donc, c'est la mère de Simon. Voilà. C'est pour ça que c'est une légende. Ouais. Et après ça, on va parler d'un des pires jeux de Castlevania, sinon le pire. Et vous avez tous deviné Castlevania 64 en 1999 sur Nintendo 64. J'ai joué à aucun des Castlevania 64. Ah ouais? J'ai essayé 64 juste un petit peu, mais parle-moi-en parce que je me souviens que j'avais pas aimé du tout. Ben tu sais, c'est ça, par où commencer? Tu sais, le... premièrement, c'était dans ce temps-là, la 64 déjà... Moi, j'ai un gros problème avec la Nintendo 64. Je trouvais que les jeux étaient gris, étaient pauvres visuellement. Oui. C'était pas attirant. Non, hein? L'engin graphique, l'engin 3D m'attirait pas beaucoup non plus. Mais j'ai quand même acheté une 64 pour essayer les jeux. Puis celle-là, je l'avais loué. Puis j'ai trouvé que si ça, le son en 3D était minable. On avait de la misère avec les contrôles. Le personnage, quand tu voulais sauter, il y avait comme une espèce de petit laps de temps. Puis il y avait deux différents sauts. Et là-dedans, ce qu'on fait, d'ailleurs dans plusieurs jeux de 64, puis je le reproche énormément, c'est qu'on saute tout le temps. T'as une espèce de bébite qui est à quelque part un moment donné dans le tableau, mais il n'y a pas beaucoup de bébites. Quand les bébites sont là, ils sont juste là pour t'énerver. Puis tu viens d'arriver dans le 3D, là. Tu sais pas c'est quoi encore la 3D, fait que t'essaies de te situer dans cet environnement-là à 360 degrés, puis tu n'y arrives pas. Ouais. Avec une manette aussi qui, je m'excuse, ma manette de la 64, je l'aime pas. Personne l'aime, je pense. Ben, il y a du monde qui l'aime. Moi, quand je dis ça, là, je me retrouve des fois là, à me faire attaquer peu. Okay. Non, non, il y a du monde qui l'aime, puis il y a du monde qui sont très tristes que la 64 n'ait pas duré. Puis c'est ça, le jeu est vraiment laid. Visuellement, c'est terriblement laid. Puis notre personnage, je sais pas c'est qui, mais c'est pas Simon Belmont. C'est un Reinhardt. C'est un Reinhardt, ça se peut. C'est rien encore. Ça a l'air, ça a l'air d'un des gars de NSYNC avec un fouet. C'est pas terrible, c'est pas intéressant. Il y a quand même eu des batailles de boss qui semblaient être intéressantes. Il y avait quand même un certain effort qui était mis quand t'avais un gros boss. Ouais. Quand t'avais un gros boss dans la pièce, comme là, on est en train de regarder des images, puis il y avait, entre autres, l'espèce de serpent en os que tu retrouves dans plusieurs Castlevania. C'était quand même bien fait. L'effort était là, puis quand tu le voyais, t'avais l'effet de surprise, puis tu trouvais ça cool. Mais il y avait tellement de cochonneries dans ce jeu-là que moi, ça a été une location. Dans ce temps-là, on louait les jeux pour une fin de semaine. Moi, j'ai pas joué toute la fin de semaine. J'ai lâché ça, puis j'ai plutôt préféré jouer à Mario Kart. Fait que c'est vraiment un jeu à éviter complètement. C'est une merde totale. Puis après ça, en 1999, ils ont décidé de se réaligner. Puis je sais pas, là j'ai 99 comme date, mais je sais pas si c'est exactement 1999. Je pense que c'était peut-être un petit peu plus tard. Puis ce qu'ils ont sorti, c'est Legacy of Darkness. C'est Castlevania Legacy of Darkness. Meilleur que Castlevania 64. Le jeu était pas dur à battre, faut dire. Là, 64 était pas très bon. Mais dans celui-là... Il y avait quelque chose, là. On a amené de quoi? L'ambiance était là. C'était sombre. C'était mystérieux. Il y avait ce côté-là horrifique qu'il y a tout le temps eu au Castlevania. Puis... T'es quoi là-dedans? On dirait que t'es un loup-garou, non? Non, t'es pas un loup-garou. Tu pouvais choisir plusieurs personnages. J'avais quatre personnages, si je me souviens bien. Puis c'est ça. Moi, je me souviens d'avoir joué avec un personnage qui lançait des couteaux. Puis c'est ça, j'ai des petits souvenirs de ça, mais ce que je me souviens, c'est que il y avait quand même des batailles épiques. Ben c'est ça, c'est ce personnage-là que j'ai utilisé. Ouais. Il y avait quand même des grosses batailles qui ressemblaient aux batailles qu'on retrouve dans God of War. À un certain point, on se retrouve devant une espèce de gros serpent gigantesque. Puis notre personnage est tout petit dans l'écran. Fait que là, il y avait quelque chose d'intéressant. Par contre, niveau des contrôles, autant de problèmes. On avait vraiment beaucoup de misère à se... Ça a l'air d'être du sautage encore partout. Oui, il y a encore pas mal de sautage. Puis... La 64, ça a été pas mal tout le temps. Ça. Les jeux, tu te retrouvais dans un couloir, puis tu sautais un peu partout, tu essayais d'aller d'une plateforme à une autre pour monter plus haut. Sauf que là, il y avait un système, si je me souviens bien, de barrage, un locking system, que tu pouvais barrer sur tes ennemis pour pouvoir les tuer. Donc ça, c'était un petit peu plus facile. Ça aide. C'était un saut dans la bonne direction, mais ça ressemblait pas assez à Castlevania quand même. Puis Je pense qu'on s'en allait à quelque part, mais c'était pas ça encore. Mm. Fait qu'après ça, on a eu, et toi, je sais que tu as joué parce que je vois ta copie ici, oui. Castlevania Chronicles sur PlayStation 1, en passant aussi disponible sur le PlayStation Network. Parle-nous un peu. Ben, ça, c'est, j'ai acheté ça cette année, l'année passée en fait. OK. Parce que c'est quand même rare, et puis payer ça à peu près 50$. C'est un remake du premier Castlevania. Ben, c'est ce qu'ils disent, mais c'est aussi très différent. Castlevania 1, c'est une NES, là, que je crois. Ouais. Ben, c'est tout de même, là, en fait, là, totalement différent. Comme on pourrait dire Rondo of Blood puis Dracula X. Là. Ouais. Fait que tu peux le passer comme ça. T'as un autre mode aussi qui est encore plus différent, plus dur, à ce qu'il paraît. Ouais. Puis écoute, je vais être bien franc, là, j'ai pas. Je suis mort, là. J'ai abandonné une place, là, parce que ça devenait vraiment dur. Mais il y a toutes sortes d'éléments là-dedans aussi. Il y a des loups-garous qui ramènent de Rondo of Blood, justement. OK. Fait que c'est un peu un mishmash de un peu de tout. Mais moi, sais-tu, j'ai fait des recherches, là, puis on disait que c'était un remake d'un jeu japonais qui s'appelait Devil's Castle Dracula. Mais c'est la traduction, à vrai dire. C'est un jeu qui serait sorti en 1993 sur Sharp X 68000. OK. Qui est une console que nous autres, on n'a pas, qu'il y avait au Japon. Fait que c'est un jeu assez obscur. Moi, je trouvais qu'il ressemblait énormément à Rondo of Blood. J'ai même pensé que c'était un Rondo of Blood remipé. Mais j'ai jamais joué à ça. Ouais, ben, j'ai aucune idée. C'est correct, mais c'est vraiment pas si le fun. Là. Okay. Je me lève pas le matin en voulant jouer à ça. Là, vraiment pas. Comparé à Symphony of the Night. Là, ah non, c'est sûr. Là. Ben, c'est ça. C'est un petit peu. Ben, avoir payé ça full prix dans le temps comme un nouveau Castlevania, j'aurais été extrêmement déçu. Mais là, tu l'as quand même payé quasiment full prix maintenant. Quasiment plus cher maintenant. Ben là, ça, c'est juste pour la collection. Mais acheter ça, ben, comment ça coûte sur le Network? Sur le PlayStation Network. Tu peux l'acheter pour 10$. Ben, si t'es un fan de Castlevania, vas-y absolument. Ben oui, mais si tu veux commencer à jouer à Castlevania, vas-y pas avec ça parce qu'il y a tellement mieux que ça. Non, puis Symphony of the Night est aussi disponible sur PlayStation Network. Je l'ai pas dit tantôt. Fait que, puis il est disponible sur XBLA. Fait que allez-y, procurez-vous-le. Là. En 2001, il y a une grande aventure qui a commencé. C'était Circle of the Moon sur Game Boy Advance. Puis ça, c'est le début des Castlevania. Qui ressemble énormément à Symphony of the Night. Là. Ouais, les Metroidvania qui appellent. Les Metroidvania que tout le monde appelle. Moi, ben franchement, regarde, il y en a d'autres, puis je vais les nommer maintenant, puis on va pouvoir passer par-dessus, parce que j'aimerais toutes les regrouper, parce que c'est pratiquement le même type de jeu. Il y a eu Harmony of Dissonance sur la Game Boy Advance en 2002. Il y a eu Aria of Sorrow en 2003 sur la Game Boy Advance. Il y a eu Dawn of Sorrow sur la DS en 2005. Portrait of Rune sur la DS en 2006 et Order of Ecclesia sur la DS en 2008. Ces jeux-là ont pratiquement toutes la même formule, mais c'est un peu dire comme, tu sais, si c'est pas brisé, fixe-le pas. Ouais. Ça fonctionne super bien. Tous ces jeux-là sont géniaux. Ils ont pratiquement toutes une moyenne de 90% sur Metacritic. Ah ouais, t'as... Je suis allé voir, puis même moi, j'en ai critiqué quelques-uns de ceux-là, surtout ceux-là sur DS. Puis j'ai adoré mon expérience tout le temps. Ah, c'était. Ouais. Écoute, c'est comme jouer à Symphony of the Night, vraiment. Là. Mm. C'est pratiquement la même affaire. Puis c'est un jeu qui peut durer longtemps. Là. Oh, oui. Puis tout ce qui varie d'un à l'autre, en fait, mettons, dans Circle of the Moon, tu calls des esprits qui viennent attaquer. Dans Harmony of Dissonance, le deuxième, tout de suite après, tu sais, c'est tout le temps. Tu pognes la magie, tu pognes une affaire différente dans chacun, ça les rend toutes bons, vraiment. Dans Circle of the Moon, t'es pas un Belmont, t'es Nathan Grave. Harmony of Dissonance, tu reviens, t'es juste Belmont. Mais avec Area of Sorrow, le troisième sur le Game Boy Advance, ça introduit Soma Cruz. Okay. Qui est quand même important, lui, qui va être le personnage de base dans Dawn of Sorrow, okay. Le premier sur le DS, puis qu'on va voir aussi plus loin dans le Harmony of Despair en 2010. Hein. Donc ça, c'est devenu, de tous les personnages qu'on a vus, lui est devenu comme un pas Belmont important. Fait que, mais tu sais, il y a plein de monde, il y a plein de personnages là-dedans. Mais aussi, Portrait of Rune, qui est le deuxième sur le DS, ramène les Morris du Genesis. C'était un descendant d'un Morris. Et puis, bon, il y a aussi un fantôme là-dedans de l'autre bonhomme qui se battait avec Oui. Fait que ça, c'est un descendant de l'autre. Je me demande même si c'est pas lui. Ça introduit une petite fille, Charlotte, qui se bat avec un spellbook qui sert absolument à rien. Ouais, c'est vrai. Mais cette Castlevania-là était supposée se jouer à deux en même temps, puis là, tu t'aides, tu pousses l'autre qui va actionner une Switch, puis parce que quand tu joues à lui, tu joues avec les deux personnages en même temps, si tu veux. Mm. Mais moi, je prenais tout le temps le gars, laisser faire la fille. Là. J'aime les filles, mais elle est vraiment pas bonne, désolé. Donc, ça servait à rien, tu sais. Puis là, il vantait comme ça, ce jeu-là. Jouer à deux en même temps, ouais. C'est maintenant jouer à deux en même temps. Mais moi, je trouve, qui joue à une portable à deux en même temps, tu sais? Non, c'est ça. Enchaînes-tu ton Game Boy 1 avec Tetris et ton câble? Contre, oui. Ben ça, je le faisais, mais pour jouer contre. Pas pour jouer avec quelqu'un. Ben, c'est ça. Mais c'est top de toi, tu sais. Moi, je trouve que c'est une console de l'honneur, un peu, une portable, là. Ça fait que, tu sais, quand ils vendent avec ça, là, ça vaut pas la c'est peine. C'est pas ça, ça qu'ils vendent. Ça vaut pas la peine pour ça. C'est un bon jeu, mais pour ce côté-là, non. Puis Order of Ecclesia, t'es une fille là-dedans, dont j'ai oublié le nom. Puis ça ramenait le fait que tu peux choisir tes personnages. Pas tes personnages, mais voyons, où est-ce que tu vas te battre, okay. Là, finalement. Ça ramenait beaucoup ça, mais encore une fois, ça, c'est correct, mais c'est un peu brouillon, tu sais. On dirait que c'est créer un Castlevania avec n'importe quelle histoire, mais c'est parce juste que pour ça, tu sais. Si tu regardes, là, sont tous sortis là, à une année d'intervalle environ. Ah, ils ont pressé le citron. Là, ils l'ont pressé solide, là. Puis c'est sûr et certain que là-dedans, il y a des failles, il y a des trucs qui marchent pas, mais... Côté gameplay, ça fonctionnait tout le temps. C'est donc, tous des bons jeux. Tous des bons jeux. Là. Tu peux choisir n'importe laquelle. Là. Ouais. Ben, les meilleurs étant quand même Area of Sorrow. Puis Dawn moi, of j'ai Sorrow, aimé. Là. Ouais, c'est ça. C'est Dawn of Sorrow ou Portrait of Ruin. Mais celui-là, je me souviens l'avoir vraiment aimé. Là, mais c'est ça. Après ça, on a version PS2. On a Lament of Innocence qui était. Moi, je dirais que c'est le premier Castlevania en 3D qui va dans la bonne direction. Ouais. Tu sais, c'était pas parfait. C'était un peu loin d'être parfait. Très des longs corridors vides, beaucoup, exact. Beaucoup de ça. Il manquait de sauce un peu. Là. Oui. Mais moi, j'ai pas détesté ce jeu-là. J'ai eu quand même du plaisir avec ce jeu-là. C'est juste qu'il était moins grandiose que justement God of War dans ce temps-là. Tout. C'est vrai. Les gens se seraient peut-être attendus à ça, mais c'était pas ça. Mais il y avait des bons éléments pour lui. Il y avait tout pour réussir. Là. Oh, pour moi, il a réussi. Là. Il a passé à 70%. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais d'un critique, ça a été pas mal ça. T'sais, ça a été environ là, un 70-75% de moyenne. Moi, je trouvais que c'était... Si on creuse vraiment, là, on dirait que c'était un mélange entre Devil May Cry et God of War. Il y avait des petits éléments de ça que je trouvais intéressant. J'aimais l'espèce de vue isométrique qu'on voyait notre personnage. J'étais tout petit dans des grands environnements. Ouais. C'était quand même cool. Le personnage se mettait à niveau aussi. Fait que ça avait des fun. Combos aussi d'attaque, ouais. Là, vraiment. Exact. Ça, puis tu vois, ça se boostait avec le temps. Fait que ça devenait vraiment deadly. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était... C'est sûr que maintenant, tu sais, on regarde ça avec le temps, puis c'était pas terrible, mais dans ce temps-là, quand c'est arrivé, moi, c'était quand même une révélation. Tu sais, c'était vraiment un jeu qui était loin d'être parfait, mais je me disais, finalement, c'est possible de faire Castlevania en 3D, puis ils l'ont prouvé plus tard, mais c'est ça, en 2005, il est sorti aussi Curse of Darkness sur la PlayStation 2 et aussi sur Xbox. Je vais juste ramener une petite affaire vite fait sur Lament of Innocence. C'est Leon Belmont là-dedans. Puis, ça serait le premier, il explique les origines de Castlevania au complet. C'est quoi ça, le fouet s'appelle un Vampire Killer. Là-dedans, il t'explique comment le Vampire Killer est arrivé, comment est-ce que Dracula est arrivé, comment est-ce que toi, les Belmont, le clan des Belmont est arrivé dans toute cette histoire-là. Les origines, les vraies, c'est là-dedans que ça se passe. Ah, c'est cool ça. Ouais. Mais Curse of Darkness, moi c'est ça, j'y ai joué quand il est sorti. Puis, j'étais un peu déçu parce que je pensais que avec Lament of Innocence, on amènerait quelque chose de pas mal plus grandiose à Curse of Darkness. Surtout qu'il faut pas oublier que en 2005, c'était déjà fait. Là. Il y avait déjà eu Devil May Cry, il y avait déjà eu God of War. Fait, on pourrait penser qu'ils seraient inspirés. Ils se sont inspirés, mais c'était très répétitif. On était encore dans des corridors. C'était bon, c'était pas mauvais, c'est correct, ça ressemblait correct. Beaucoup, mais au lieu de là-dedans, t'es un méchant, par exemple, la différence, t'es un, comment ça s'appelle, un gars qui fait les bébites dans le château de Dracula, finalement, okay. Tu te reviens contre ton maître. Fait que ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus que t'as des minions que tu crées des bébites toi-même, un Devil Forge Master, hey boy, c'est ça, okay. Qui s'appelle Hector. Puis, dans le fond, c'est de faire monter le niveau tes bestioles. Là. T'en as plusieurs types, là. Puis tu te bats avec ça, là, finalement. Puis, ce qu'il y a de drôle, ce qu'il y a de le fun aussi dans ce jeu-là, c'est que Trevor Belmont de Castlevania 3, Dracula's Curse, fait une apparition. Okay. Parce que ce jeu-là se passe tout de suite après Castlevania 3, en fait. Là, c'est super parce que moi, on l'avait vu en pixel, là, 8 000, là, il arrive là-dedans, il est badass au max, là, okay. Il torche, là, mais ben raide, là, il tue, là. Moi, j'adorais ça, me faire torcher par Trevor. Tu sais, il te prend pour un méchant, bien sûr, t'es un méchant, il est là pour te tuer, mais bon, il devient un ami, puis tu t'arranges, mais c'était différent pour ça. T'es un méchant là-dedans, puis tu te bats avec des bestioles au lieu d'être le gars qui fouette, là. Ah, c'est cool, mais ça. C'était un bon petit jeu aussi, mais on se serait attendu à tellement plus que ça pour faire suite à Element of Innocence. T'sais, c'est quasiment deux jeux pareils là, au niveau de l'ambiance, le graphisme. Là. C'est juste la thématique qui change, là, finalement. Ah, c'est... Mais c'était au moins c'était un pas dans la bonne direction. Après ça, il y a eu Dracula X Chronicles en 2007 sur la PSP. Puis ça, en vrai dire, c'est un remake de Rondo of Blood qui était très réussi, très difficile parce que c'est Rondo of Blood, fait que c'était pas plus facile, là. C'est vraiment difficile. Puis c'est un jeu qui est parfait pour la PSP. Moi, ben franchement, si vous avez une PSP, achetez ça si vous le trouvez. Il est très bon. Je me souviens pas s'il est sur PlayStation Network, mais c'est Rondo of Blood portable. C'est un must. Il est vraiment super bon. Après ça, il y a eu Castlevania Judgment sur la Wii. Tu vas pouvoir m'en parler de cette tour de merde-là. Moi, je n'ai pas joué. Écoute, il y a pas t'as meilleur... Tu as fait la critique à Monsieur Nett. Ben, Judgment, j'ai pas fait la critique, mais je l'ai quand même essayé. Puis ce qu'ils ont essayé de faire, puis en plus de ça, en partant, c'est le créateur original de Castlevania qui a travaillé là-dessus. Ah, c'est long, tu vois qu'il était ailleurs dans sa vie. Ben, il était complètement ailleurs, puis il essayait de quoi de nouveau. Ça, c'était pour la Wii. Puis ce qu'on a essayé de faire cette fois-ci, c'est de faire un jeu de combat de Castlevania. Ouais. C'est un jeu de combat qui se disait être prendre ses inspirations dans Soul Calibur. C'est vrai qu'on peut... On peut sentir la ressemblance, là. Ça ressemble pas mal. Mais c'est ça, c'était vraiment pas... C'est pas que c'était pas très bon, c'est juste que c'est pas ça Castlevania. C'est un peu difficile de toucher à cette série-là. Puis là, là-dedans, ça s'en va n'importe où. Les personnages, on les oublie totalement. On n'a pas vraiment de préférence. Ah ouais, ils sont allés quoi? Ben, on s'investit pas vraiment dans les personnages, même si les personnages, c'est les personnages de la série. Ouais, totalement. C'est ça. Je vois qu'il y a Simon. Ça, c'est le fun, par exemple. Exact. Simon, tu peux prendre Soma Cruz, je pense. Ils sont tous là. C'est vraiment ça, sauf que c'est ça, c'était sur la Wii. Déjà, les jeux de combat sur la Wii, oui, hein, c'est pas toujours terrible. Pas, ben, si t'as pas les contrôles classiques, c'est pas terrible. Si t'as les contrôles classiques, les jeux de combat, ça marche. Là. Juste à penser à Tatsunoko versus Capcom. Ouais. Malade, c'est juste exclusif à la Wii. Super bon, achetez ça. Mais c'est ça, celui-là, c'était pas terrible, mais je pense que moi, quand j'ai joué, j'étais déjà fâché un peu d'avance. Je me disais, un jeu de combat de Castlevania, come on, faites pas ça, touchez-y pas, tu sais. Fait que c'est pas si pire, mais achetez pas ça pareil, c'est pas très bon. Puis en 2009, il y a eu Castlevania The Arcade. Ouais, une nouvelle machine d'arcade que moi et Dominique, on a découvert parce qu'on n'avait aucune idée que ça existait, peut-être même que vous y avez joué. En gros, là, c'est un genre de shooter à la House of the Dead avec un fouet. Fait que tu donnes des coups de fouet, mais c'est avec un contrôleur qui ressemble à la Move. Ouais. C'est vraiment le même genre. Il y a le genre Move, là, à ce que j'ai vu à l'arcade, on dirait. C'est ça. Mais ben, ça a l'air bien. Là. Ça a l'air cool. Si vous avez une arcade à côté de chez vous, allez-y. Ouais. Je trouvais que ça avait l'air quand même réussi. La musique était bonne. Ouais. Il y a tous les classiques de Castlevania. Exact. Puis, vraiment, c'est un House of the Dead. Là. C'est ça. Mm. Puis je trouve que Konami devrait sortir ce jeu-là pour la Move. Tu sais, il y a pas grand-chose sur la Move. Fait que, sortez-le pour faire de l'argent. Puis c'est quand même intéressant. Vous irez voir ce petit vidéo. C'est quelque chose, ça donne le goût de jouer. Mm. Après ça, en 2010, un jeu dont j'ai fait la critique à M. Ned, The Adventure Rebirth. Ça, c'était un remake en couleur. Pas HD, on est sur la Wii. Non. Un remake en couleur du classique de Game Boy. Tout est mieux que l'original. Ben franchement là. Mais tout est très différent de l'original aussi. Ben, il y a rien. Il y a des c'est monstres. C'est proche. Oui, mais dans l'original, on fouette puis on lance des balles de feu. Ouais. Ça le refait, ouais. Mais différemment. Exact. Le premier, quand tu te fais toucher, tu perds ce pouvoir-là. Là, tu l'as, mais pendant un laps de temps. C'est ça. Les monstres, les gros yeux qui roulent, les monstres reviennent. Les mêmes monstres reviennent. Mais la musique revient pas, les tableaux reviennent pas. Et à vrai dire, c'est que ça, c'est une série Rebirth qui ont fait. Puis Rebirth, c'est souvent de prendre les meilleures parties d'un jeu pour pouvoir en créer un autre. Puis avec celui-là, moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment une bonne job parce que The Adventure, j'ai pas trippé énormément à cause de la vitesse du jeu, à cause que les tableaux étaient vides. Ah, je trouvais que ça allait mal. C'est ça, c'est pas très bon. Tandis que celui-là, c'est super bon. C'est vraiment le fun. On a l'impression de jouer à un nouveau Castlevania. C'est pas aussi bon que Symphony of the Night, mais si vous avez plus de Castlevania à jouer puis que vous avez besoin d'un fixe, puis que vous avez juste une Wii, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment très bon. Je pense qu'il est 800 points, 8$ à peu près. Fait que ça vaut vraiment la peine. Sauf une affaire frustrante qu'ils ont décidé de garder du Castlevania Adventure. Pas de système de sauvegarde. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas facile, là. Non, moi, il est là, j'ai passé des heures, tu sais, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, faut que j'arrête de jouer. Puis là, ça fait une semaine, mais oui, sur pause, là, tu sais. Ça me fait capoter, ça. C'est le fun, c'est là, de faire que ça soit dur, là. Mais rien que pour faire chier le monde, je trouve vrai, pas que c'est une bonne idée. Ça m'a fait vraiment suer. Là. Non, parce qu'il y a Contra aussi, Rebirth. Gradius Rebirth. Gradius Rebirth aussi, tu sais. Ils sont pas tous pareils. Ils ont travaillé, mais le système de sauvegarde, le nombre de vies, tout ça, tout peut changer. Et on a ramené des tunes de Castlevania 2 là-dedans, dont le Crystal Castle, qui est une excellente track. Je voulais juste le dire en passant, parce que quand la musique est partie, j'ai capoté. Ben, tu veux, une fois de plus, j'avais aucune idée. Parce que moi, j'ai pas le temps. Ça, après ça, en 2010, Castlevania Puzzle and Core of the Night sur plateforme iOS. Parle-moi-en, j'ai juste regardé sur YouTube. Ben, je vais t'en parler de ce que j'ai vu sur YouTube, parce que moi non plus, j'ai jamais joué. Un genre de... Ça ressemble à Puzzle Quest, un peu. C'est un jeu de puzzle avec des éléments RPG, avec tous les éléments historiques de la série et la musique. Donc, tout est là, sauf que c'est un puzzle. Est-ce que vous voulez jouer à un puzzle de Castlevania? Si c'est le cas, vous allez probablement aimer. Moi, j'ai pas le goût de jouer à un puzzle de Castlevania. J'ai pas le goût de jouer à un jeu de combat de Castlevania. Fait que je vais complètement éviter de jouer à ce jeu-là. Parce que tu sais qu'il y a des meilleurs Castlevania qui sont des puzzles. Exact. Des meilleurs puzzles qui sont des puzzles. C'est ça. Pas faire un hybride étrange. Ça fait combien de jeux là, qu'on nomme de Castlevania? Tu sais, il y en a une tonne. Fait que il y a du choix, tu sais. En 2010, il y a eu Harmony of Despair sur XBLA et il va être disponible sur PlayStation Network à la fin 2011. Puis, ce jeu-là est pas... C'est pas le meilleur Castlevania, c'est loin de là. C'est différent. C'est très différent. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer en coop jusqu'à 6 joueurs en ligne. Ça, c'est une première. Puis, sa force, c'est aussi sa faiblesse, dans le sens que si tu joues tout seul, le jeu est pas terrible. C'est ça. Mais il faut que tu joues à plusieurs, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient le fun. Il y a certains niveaux, certains endroits que tu peux pas aller si tu es tout seul. Fait que le jeu te punit littéralement de jouer tout seul. Ouais. Fait que ça, c'est poche. Ça a été mal fait. J'espère que... Peut-être que dans la version PlayStation Network, ils vont réajuster le tir, puis ils vont l'arranger. Je ne sais pas. Encore là, c'est des rumeurs de l'Internet que ça va sortir sur PlayStation Network. C'est pas fait encore. Mais ce jeu-là est très différent au sens que tu es comme dans un château, tu es pris dedans. Ouais. Il faut que tu ailles vite, un peu une course contre la montre. Ben, c'est vrai. Mais tu peux pas aller loin, c'est pas vaste. Tu es comme une gang pris dans une boîte, puis il faut que tu t'en sortes et que tu butes le boss à la fin. Boss qui est très, très gros. Ouais, c'est ça. Très, très dur aussi. Pas évident non plus. Là. Ouais. Mais moi, Harmony of Despair, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué un petit peu avec un ami. Puis j'ai trouvé ça cool, mais j'ai trouvé comme toi qu'il y avait. Il y a de quoi de différent. C'est comme si c'était un Bizarro Castlevania. Ouais, ouais. C'est Castlevania, mais c'est pas Castlevania. Tu sais pas trop. Mm. Puis, dernier et non le moindre, en 2010, Castlevania Lords of Shadow. J'avais fait la critique à Monsieur Net. C'est un jeu sur PlayStation 3 et 360. J'avais donné un 8.5. C'est vraiment un excellent jeu. C'est le meilleur Castlevania qui a été fait en 3D, sans aucune question. C'est sûr que le jeu n'est pas parfait. Il y a des petits problèmes de platforming, entre autres si tu es sur une corniche puis tu veux essayer d'aller sur l'autre. Des fois, c'est pas évident tellement le graphisme est génial qu'est-ce que tu peux accrocher, ouais. qu'est-ce que tu peux pas accrocher. Puis ça, il y a souvent des hardcore gamers qui vont vous dire « Moi, j'aime pas ça quand les affaires brillent dans les jeux. » Ben, des fois, ça aide. Des fois, ça aide, ouais, OK? Ouais. T'sais? Puis là-dedans, des fois, ça aurait aidé. Puis des fois, j'avoue que j'aurais aimé ça quand j'ai plus de vie, pouvoir voir où est-ce qu'il faut que je m'en aille, parce que c'est soit tu prends un guess, là, tu sautes, puis tu peux tomber dans le vide. Ouais. Puis là-dedans, on pouvait aussi prendre contrôle de certaines bestioles à terre. En cheval, ça, c'est vraiment cool. Tu peux être en cheval, tu peux être dans une espèce de grosse bébite mutante qui ressemble à un loup-garou. T'es-tu un Belmont là-dedans? T'es un Belmont là-dedans. Puis t'as une espèce de croix. Ta croix se change en fouet, finalement. C'est comme une espèce de grande chaîne. Ouais. À la God of War. À la God of War. Ben, ils ont compris. Ils ont compris, regarde. Ça marche, on va le faire. C'est ça. Puis ils ont bien fait. Oui. Ça marche. C'est vraiment... Mais en même temps, à leur défense, c'est ce qui avait commencé avec les versions PlayStation 2. Ouais. C'est vraiment un mélange de God of War et Devil May Cry. Il y a du puzzle aussi. Il y a du puzzle. À la Prince of Persia. Oui, totalement. Ouais. Puis même des contrôles un peu qui ressemblent à Prince of Persia. Puis les boss sont écœurants, sont épiques. C'est vraiment gros. C'est une quête qui est très longue. Ça va durer en 10 et 15 heures. Puis en plus de ça... Il y a une extension qui est sortie qui s'appelle Reverie, que j'ai toujours pas essayé. Je vais probablement l'essayer sous peu, mais en tout et partout, ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Il niaise pas avec le puck. Tu veux te sentir comme un badass de Castlevania, ça marche. Les chansons, c'est les créateurs originaux qui sont revenus et qui ont rehaussé ça avec un orchestre symphonique. Ah ouais, hein? C'est magique. Puis il y a certains moments de la trame sonore que t'as pas grand chose, c'est assez silencieux, t'entends juste l'environnement, puis là t'entends un bout de musique pour aller avec une certaine partie du tableau, puis ce bout de musique-là précis te rappelle parfaitement un nom de la série, tu sais. Ah, c'est super. C'est vraiment le fun, c'est vraiment une lettre d'amour aux fans de Castlevania, puis ça pourrait pas mieux terminer ce spécial sur Castlevania. Nous autres, c'est une série qu'on adore. Là. Moi, j'ai capote. C'est une série fétiche, moi, en fait, là, vraiment. C'est écœurant, là. J'ai juste regardé les jeux que ça attend présentement. Je ressens tout ça tantôt, mais c'est une belle série, ça vaut la peine. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Et, écoute, là, on pourrait écrire un livre d'histoire juste là-dessus. Là, on a eu un peu plus qu'une heure, là, mais on n'a même pas frôlé. Là. Écoute, tout ce qu'il a raconté, les personnages de chaque jeu, là, c'est épique tout ça. Là. Il pourrait faire, moi je sens que ça va bien arriver à un moment donné, mais il faudrait qu'il fasse un film là-dessus. Ouais, ben il était en train de se faire faire le film, mais j'ai vu que c'était du monde là, qui avait fait un autre film de merde. En tout cas, j'ai tellement peur, là, tellement peur. Ah, les films de jeux vidéo, c'est tant dangereux. Ah oui, hein? Puis le film Deadpool qui est supposé sortir bientôt, je suis un amateur de Deadpool, puis j'ai peur de ces deux films-là. Mais somme toute, écoutez, c'est une série qui vaut vraiment, vraiment la peine. Ouais. Puis, on a peut-être skippé des choses. Je sais qu'il y a des jeux qui ont été en construction, qui sont jamais sortis. Il y en a qui sont juste au Japon, c'est ça. Mais on a essayé de faire notre maximum. Puis c'était bien le fun de faire un spécial comme ça. Ben oui, certain. On va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Puis écoute, il y en a une série épique dans la vie. Là. Ah, certain. Puis surtout des... Tu sais, comme là, Castlevania, c'est sûr que c'est du pareil au même dans un sens quand ils vont avec la formule qui fonctionne, tu sais, puis il y a des petites nuances, mais il y a d'autres séries aussi qui sont écœurantes où les jeux sont quand même assez différents des uns aux autres. Il y en a peut-être moins, mais plus différents. Ouais. Puis on va regarder ça, puis on va en faire d'autres spéciales. C'est vraiment le fun. Il y a comme des mots qui me passent dans la tête, là. Ninja Gaiden. Oh yes! Ça pourrait être bien intéressant. Ah, c'est certain. Puis on peut pas oublier Mario, évidemment. Mario, il y en a tellement eu. Fait que c'est ça. C'est ce qui conclut cet épisode spécial de Rétro Nouveau. Puis, comme d'habitude, continuez à nous suivre sur Twitter. Allez nous aimer sur notre page Facebook. Puis, merci encore de votre support. Merci tout le monde. Merci, ciao. Bye. Retro Nouveau.